j'ai réalisé mon rêve de jeunesse. Ma mission, je l'ai accomplie. Tout ce que je poursuis pour les quelques années qui me restent encore à vivre, c'est d'essayer d'habituer le peuple à se grouper pour la première fois de sa longue histoire, non seulement autour d'un homme, mais autour d'un État, de façon que ce que j'ai fait puisse durer, puisse continuer après moi. Ce qui me donne des soucis, c'est l'après-bourguibisme. J'ai beaucoup moins maintenant de soucis. J'ai pu écarter les éléments malfaisants, les éléments en qui j'ai eu confiance, auxquels j'ai donné ma confiance, qui m'ont trompé. J'ai pu survivre, guérir, pour débarrasser, n'est-ce pas, le chemin de la Tunisie de ces êtres malfaisants. Le culte de la personnalité est à son paroxysme un certain 4 décembre 1977, jour mémorable, qui voit à Bangui le maréchal président à vie, Jean Bedel Bokassa, franchir une étape supplémentaire en se faisant couronner empereur sous le nom de Bokassa